dit j'ai tout plaqué man. La vérité je me reconstruis et je suis libre, t'aimes à la dégue. Je veux voler mes propres ailes. Je veux sentir la liberté que j'ai appris avec mes erreurs. Je me souviens de cette image où j'avalais ce putain de grenaille tout en sachant que la fin ne fera pas 10 pages. J'ai tiré sur la corde, cette putain s'est coupée. Si je suis encore vivant, c'est que je respire encore dans mes complets. Il est temps pour moi de partir, aller vers un autre avenir. Je n'ai plus le temps de regarder derrière, juste besoin de prendre l'air. Désolé ma belle si je te laisse là, mais toutes ces histoires ne se finissent pas. Comme un con de fée. Je suis en vie, je profite un peu beaucoup. Je bois un coup, la vie un coup de cou. Vaut mieux se barrer qu'avoir la corde au cou. Quand tu m'écoutes, je t'écoute. Des fois je doute, parfois je trace ma route. En coûte que coûte, je m'isole un peu pour faire tomber les gouttes. Je me souviens de ce mirage où j'avalais ce putain de cocktail tout en sachant que l'histoire fera 1000 pages. J'ai tiré sur l'amour, cette belle m'a écouté. Si je suis encore vivant, c'est que je ressens tes lèvres dans mes couplets. Fly away. Juste une envie de fly away, rêver de mieux et fly away, fly away, fly away, yeah. Fly away. Juste une envie de fly away, rêver de mieux et fly away, fly away, fly away, yeah. S'envoler vers d'autres gays, oublier tout le passé. Se laisser partir pour mieux guérir, se reconstruire un nouvel empire. Aller panser toutes ses blessures et se retrouver sans armure. Fly away, fly away, yeah. Amour à mort, il faut que je monte à bord. Que je plains d'abord, que je mette tout le monde d'accord. Que je pose mes valises à bord, à bord. Besoin de vacances et puis quelques rapports. Faut que je tape dans mon apport, que j'arrive à bon port. Profiter du corps à Nora. Ses yeux sont verts et puis sa peau est mat. Elle me trouve beau et mat. On se calcule de fou comme dans un cours d'écho et mat. Envie de faire l'amour sous des étoiles filantes. Chers auditeurs, veuillez garder le silence. Fly away, juste une envie de fly away, rêver de mieux et fly away. Fly away, fly away, rêver de mieux et fly away.